Section 9. Quatrième partie, livre troisième, suite. Regensburg, que nous appelons Ratisbonne, offre, en arrivant par Donavert, un aspect agréable. 2 heures sonnaient le 21 lorsque je m'arrêtai devant l'hôtel de la poste. Tandis que l'on attelait, ce qui est toujours long en Allemagne, j'entrai dans une église voisine appelée la Vieille Chapelle, blanchie et dorée tout à neuf. 8 vieux prêtres noirs à cheveux blancs chantaient les vêpres. J'avais prié autrefois dans une chapelle de Tivoli pour un homme qui priait lui-même à mes côtés. Dans une des citernes de Carthage, j'avais offert des vœux à Saint-Louis, mort non loin d'Utique, plus philosophe que Caton, plus sincère qu'Annibal, plus pieux qu'Énée. Dans la chapelle de Ratisbonne, j'eus la pensée de recommander au ciel le jeune roi que je venais chercher. Mais je craignais trop la colère de Dieu pour solliciter une couronne. Je suppliais le dispensateur de toute grâce d'accorder à l'orphelin le bonheur et de lui donner le dédain de la puissance. Je courus de la vieille chapelle à la cathédrale. Plus petite que celle d'Ulm, elle est plus religieuse et d'un plus beau style. Ses vitraux coloriés l'enténèbrent de cette obscurité propre au recueillement. La blanche chapelle convenait mieux à mes souhaits pour l'innocence de Henri. La sombre basilique me rendit tout ému pour mon vieux roi Charles. Peu m'importait l'autel dans lequel on y élisait jadis les empereurs, ce qui prouve du moins qu'il y avait des souverains électifs, même des souverains que l'on jugeait. Le 18e article du testament de Charlemagne porte « Si quelques-uns de nos petits-fils, nés ou à naître, sont accusés, ordonnons qu'on ne leur rase pas la tête, qu'on ne leur crève pas les yeux, qu'on ne leur coupe pas un membre et qu'on ne les condamne pas à mort sans bonne discussion et examen. » Je ne sais quel empereur d'Allemagne déposé réclama seulement la souveraineté d'un clos de vigne qu'il affectionnait. À Ratisbonne, jadis fabrique de souverains, on monnayait des empereurs souvent à litres. Ce commerce est tombé. Une bataille de Bonaparte et le prince Primat, plat courtisan de notre universel gendarme, n'ont pas ressuscité la cité mourante. Les Regensbourgeois, habillés et crasseux comme le peuple de Paris, n'ont aucune physionomie particulière. La ville, faute d'un assez grand nombre d'habitants, est mélancolique. L'herbe et le chardon assiègent ses faubourgs. Ils auront bientôt haussé leurs plumets et leurs lances sur ces donjons. Kepler, qui a fait tourner la terre, de même que Copernic, repose à jamais à Ratisbonne. Nous sommes sortis par le pont de la route de Prague, pont très vanté et fort laid. En quittant le bassin du Danube, on gravit des escarpements. Kern, le premier relais, est perché sur une rude côte, du sommet de laquelle, à travers les nues aqueuses, j'ai découvert des collines mortes et de pâles vallées. La physionomie des paysans change, les enfants, jaunes et bouffis, ont l'air malades. Depuis Kern jusqu'à Wallmünchen, l'indigence de la nature s'accroît. On ne voit presque plus de hameaux, des chaumières en rondins de sapin liées avec un gâchis de terre, comme sur les cols les plus maigres des Alpes. La France est le cœur de l'Europe. À mesure qu'on s'en éloigne, la vie sociale diminue. On pourrait juger de la distance où l'on est de Paris par le plus ou moins de langueur du pays où l'on se retire. En Espagne et en Italie, la diminution du mouvement et la progression de la mort sont moins sensibles. Dans la première contrée, un autre peuple, un autre monde, des Arabes chrétiens vous occupent. Dans la seconde, le charme du climat et des arts, l'enchantement des amours et des ruines ne laisse pas le temps vous opprimer. Mais en Angleterre, malgré la perfection de la société physique, en Allemagne, malgré la moralité des habitants, on se sent expiré. En Autriche et en Prusse, le joug militaire pèse sur vos idées, comme le ciel sans lumière sur votre tête. Je ne sais quoi vous avertit que vous ne pouvez ni écrire, ni parler, ni penser avec indépendance, qu'il faut retrancher de votre existence toute la partie noble, laisser oisive en vous la première des facultés de l'homme, comme un inutile don de la divinité. Les arts et la beauté de la nature ne venant pas tromper vos heures, il ne vous reste qu'à vous plonger dans une grossière débauche ou dans ces vérités spéculatives dont se contentent les Allemands. Pour un Français, du moins pour moi, cette façon d'être est impossible. Sans dignité, je ne comprends pas la vie, difficile même à comprendre avec toutes les séductions de la liberté, de la gloire et de la jeunesse. Cependant, une chose me charme chez le peuple allemand, le sentiment religieux. Si je n'étais pas trop fatigué, je quitterais l'auberge de Nittau où je crayonne ce journal. J'irais à la prière du soir avec ces hommes, ces femmes, ces enfants, qu'appelle à l'église le son d'une cloche. Cette foule, me voyant à genoux au milieu d'elle, m'accueillerait en vertu de l'union d'une commune foi. Quand viendra le jour où des philosophes dans leur temple béniront un philosophe arrivé par la poste, offriront avec cet étranger une prière semblable à un dieu sur lequel tous les philosophes sont en désaccord. Le chapelet du curé est plus sûr, je m'y tiens. 21 mai. Waldmünchen, où j'arrive le mardi matin 21 mai, est le dernier village de Bavière de ce côté de la Bohême. Je me félicitais d'être à même de remplir promptement ma mission. Je n'étais plus qu'à 50 lieues de Prague. Je me plonge dans l'eau glacée, je fais ma toilette à une fontaine, comme un ambassadeur qui se prépare à une entrée triomphale. Je pars, et à une demi-lieue de Waldmünchen, j'aborde, plein d'assurance, la douane autrichienne. Une barrière abaissée ferme le chemin. Je descends avec Hyacinthe, dont le ruban rouge flamboyait. Un jeune douanier, armé d'un fusil, nous conduit au rez-de-chaussée d'une maison, dans une salle voûtée. Là était assis à son bureau, comme à un tribunal, un gros et vieux chef de douaniers allemands. Cheveux roux, moustaches rousses, sourcils épais descendant en biais, sur deux yeux verdâtres, à moitié ouverts, l'air méchant. Mélange de l'espion de police de Vienne et du contrebandier de Bohême. Il prend nos passeports sans dire mot. Le jeune douanier m'approche timidement une chaise, tandis que le chef, devant lequel il a l'air de trembler, examine les passeports. Je ne m'assieds pas et je vais regarder des pistolets accrochés au mur et une carabine placée dans l'angle de la salle. Elle me rappela le fusil avec lequel l'aga de l'isthme de Corinthe tira sur le paysan grec. Après 5 minutes de silence, l'Autrichien aboie 2 ou 3 mots que mon balois traduisit ainsi « Vous ne passerez pas ». « Comment je ne passerai pas et pourquoi ?» L'explication commence. « Votre signalement n'est pas sur le passeport. »« Mon passeport est un passeport des affaires étrangères. »« Votre passeport est vieux. »« Il n'a pas un an de date. Il est légalement valide. »« Il n'est pas visé à l'ambassade d'Autriche à Paris. »« Vous vous trompez, il l'est. » Il n'a pas le timbre sec. Oublie de l'ambassade. Vous voyez d'ailleurs le visa des autres légations étrangères. Je viens de traverser le canton de Bâle, le grand-duché de Bade, le royaume de Württemberg, la Bavière entière. On ne m'a pas fait la moindre difficulté. Sur la simple déclaration de mon nom, on n'a pas même déployé mon passeport. Avez-vous un caractère public ? J'ai été ministre en France, ambassadeur de Sa Majesté très chrétienne à Berlin, à Londres et à Rome. Je suis connu personnellement de votre souverain et du prince de Metternich. Vous ne passerez pas. Voulez-vous que je dépose un cautionnement ? Voulez-vous me donner une garde qui répondra de moi ? Vous ne passerez pas. Si j'envoie une estafette au gouvernement de Bohême ? Comme vous voudrez. La patience me manqua. Je commençais à envoyer le douanier à tous les diables. Ambassadeur d'un roi sur le trône, peu m'eût importé quelques heures de perdu. Mais ambassadeur d'une princesse dans les fers, je me croyais infidèle au malheur, traître envers ma souveraine captive. L'homme écrivait, le balois ne traduisait pas mon monologue, mais il y a des mots français que nos soldats ont enseignés à l'Autriche et qu'elle n'a pas oubliés. Je dis à l'interprète, explique-lui que je me rends à Prague pour offrir mon dévouement au roi de France. Le douanier, sans interrompre ses écritures, répondit, Charles X n'est pas pour l'Autriche le roi de France. Je répliquai, « Il l'est pour moi. » Ces mots, rendus au Cerbère, parurent lui faire quelque effet. Il me regarda de côté et en dessous. Je crus que sa longue annotation serait en dernier résultat un visa favorable. Il barbouille encore quelque chose sur le passeport d'Hyacinthe et rend le tout à l'interprète. Il se trouva que le visa était une explication des motifs qui ne lui permettaient pas de me laisser continuer ma route, de sorte que non seulement il m'était impossible d'aller à Prague, mais que mon passeport était frappé de faux pour les autres lieux où je pourrais me présenter. Je remontai en calèche et je dis au postillon à Waldmünchen. Mon retour ne surprit point le maître de l'auberge. Il parlait un peu français, il me raconta que pareille chose était déjà arrivée. Des étrangers avaient été obligés de s'arrêter à Waldmünchen et d'envoyer leur passeport à Munich au visa de la Légation d'Autriche. Mon hôte, très brave homme, directeur de la poste aux lettres, se chargea de transmettre au grand burgrave de Bohême la lettre dont suit la copie. Waldmünchen, 21 mai 1833. Monsieur le gouverneur, ayant l'honneur d'être connu personnellement de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et de Monsieur le Prince de Metternich, j'avais cru pouvoir voyager dans les États autrichiens avec un passeport qui, n'ayant pas une année de date, était encore légalement valide et lequel avait été visé par l'ambassadeur d'Autriche à Paris pour la Suisse et l'Italie. En effet, Monsieur le Comte, j'ai traversé l'Allemagne, et mon nom a suffi pour qu'on me laissât passer. Ce matin seulement, Monsieur le chef de la douane autrichienne de Haselbach ne s'est pas cru autorisé à la même complaisance, et cela par les motifs énoncés dans son visa, sur mon passeport ci-joint et sur celui de Monsieur Pilorge, mon secrétaire. Il m'a forcé, à mon grand regret, de rétrograder jusqu'à Waldmünchen, où j'attends vos ordres. J'ose espérer, Monsieur le Comte, que vous voudrez bien lever la petite difficulté qui m'arrête en m'envoyant par l'estafette que j'ai l'honneur de vous expédier le permis nécessaire pour me rendre à Prague et de là à Vienne. Je suis, avec une haute considération, Monsieur le Gouverneur, votre très humble, très obéissant serviteur, Chateaubriand. Pardonnez, Monsieur le Comte, la liberté que je prends de joindre un billet ouvert pour Monsieur le Duc de Blacas. Un peu d'orgueil perce dans cette lettre. J'étais blessé. J'étais aussi humilié que Cicéron lorsque, revenant en triomphe de son gouvernement d'Asie, ses amis lui demandèrent s'il arrivait de Bailly ou de sa maison de Tusculum. Comment, mon nom, qui volait d'un pôle à l'autre, n'était pas venu aux oreilles d'un douanier dans les montagnes d'Haselbach ? Chose d'autant plus cruelle qu'on a vu mes succès à Bâle. En Bavière, j'avais été salué de monseigneur ou d'excellence. Un officier bavarois, à Waldmünchen, disait hautement dans l'auberge que mon nom n'avait pas besoin du visa d'un ambassadeur d'Autriche. Ces consolations étaient grandes, j'en conviens. Mais enfin, une triste vérité demeurait, c'est qu'il existait sur la terre un homme qui n'avait jamais entendu parler de moi. Qui sait pourtant si le douanier d'Haselbach ne me connaissait pas un peu? Les polices de tous les pays sont si tendrement ensemble. Un politique qui n'approuve ni n'admire les traités de Vienne, un Français qui aime l'honneur et la liberté de la France, qui reste fidèle à la puissance tombée, pourrait bien être à l'index à Vienne. Quelle noble vengeance d'en agir avec Monsieur de Chateaubriand comme avec un de ces commis voyageurs si suspects aux espions. Quelle douce satisfaction de traiter comme un vagabond dont les papiers ne sont pas en règle, un envoyé chargé de porter traîtreusement à un enfant banni les adieux de sa mère captive. L'estafette partit de Waldmünchen le 21 à 11 heures du matin. Je calculais qu'elle pourrait être de retour le surlendemain 23 de midi à 4 heures. Mais mon imagination travaillait. Qu'allait devenir mon message? Si le gouverneur est un homme ferme et qu'il sache vivre, il m'enverra le permis. Si c'est un homme timide et sans esprit, il me répondra que ma demande n'étant pas dans ses attributions, il s'est empressé d'en référer à Vienne. Ce petit incident peut plaire et déplaire tout à la fois au prince de Metternich. Je sais combien il craint les journaux. Je l'ai vu à Vérone quitter les affaires les plus importantes, s'enfermer tout éperdu avec M. de Gentz pour brocher un article en réponse au constitutionnel et au débat. Combien s'écoulera-t-il de jours avant la transmission des ordres du ministre impérial? D'un autre côté, M. de Blacas sera-t-il bien aise de me voir à Prague? M. de Damas ne croira-t-il pas que je viens le détrôner? M. le cardinal de Latil n'aura-t-il aucun souci? Le triumvirat ne profitera-t-il pas de la malencontre pour me faire fermer les portes au lieu de me les faire ouvrir? Rien de plus aisé. Un mot dit à l'oreille du gouverneur, mot que j'ignorerai toute ma vie. Dans quelle inquiétude seront mes amis de Paris? Quand l'aventure s'ébruitera, que n'en feront point les gazettes? Que d'extravagances ne débiteront-elles pas? Et si le grand burgrave ne juge pas à propos de me répondre? S'il est absent? Si personne n'ose le remplacer? Que deviendrai-je sans passeport? Où pourrais-je me faire reconnaître? À Munich? À Vienne? Quel maître de poste me donnera des chevaux? Je serai de fait prisonnier dans Waldmünchen. Voilà les dragons qui me traversaient la cervelle. Je songeais de plus à mon éloignement de ce qui m'était cher. J'ai trop peu de temps à vivre pour perdre ce peu. Horace a dit Carpe diem, cueillez le jour. Conseil du plaisir à 20 ans, de la raison à mon âge. Fatigué de ruminer tous les cas dans ma tête, j'entendis le bruit d'une foule au dehors. Mon auberge était sur la place du village. Je regardais par la fenêtre un prêtre portant les derniers sacrements à un mourant. Qu'importaient à ce mourant les affaires des rois, de leurs serviteurs et du monde? Chacun quittait son ouvrage et se mettait à suivre le prêtre. Jeunes femmes, vieilles femmes, enfants, mères avec leurs nourrissons dans leurs bras, répétaient la prière des agonisants. Arrivé à la porte du malade, le curé donna la bénédiction avec le saint viatique. Les assistants se mirent à genoux en faisant le signe de la croix et en baissant la tête. Le passeport pour l'éternité ne sera point méconnu de celui qui distribue le pain et ouvre l'hôtellerie aux voyageurs. Quoique j'eusse été 7 jours sans me coucher, je ne pus rester au logis. Il n'était guère plus d'une heure. Sorti du village du côté de Ratisbonne, j'avisai à droite au milieu d'un blé une chapelle blanche. J'y dirigeai mes pas. La porte était fermée. À travers une fenêtre biaise, on apercevait un autel avec une croix. La date de l'érection de ce sanctuaire, 1830, était écrite sur l'architrave. On renversait une monarchie à Paris et l'on construisait une chapelle à Waldmünchen. Les 3 générations bannies devaient venir habiter un exil à 50 lieues du nouvel asile élevé au roi crucifié. Des millions d'événements s'accomplissent à la fois. Que fait au noir endormi sous un palmier au bord du Niger, le blanc qui tombe au même instant sous le poignard au rivage du Tibre? Que fait à celui qui pleure en Asie, celui qui rit en Europe? Que faisait au maçon qui bâtissait cette chapelle, au prêtre bavarois qui exaltait ce Christ, en 1830, le démolisseur de Saint-Germain-l'Auxerrois, l'abatteur des croix, en 1830? Les événements ne comptent que pour ceux qui en pâtissent ou qui en profitent. Ils ne sont rien pour ceux qui les ignorent ou qui n'atteignent pas. Telle race de pâtres dans les Abruzzes ont vu passer sans descendre de la montagne les Carthaginois, les Romains, les Goths, les générations du Moyen-Âge et les hommes de l'âge actuel. Cette race ne s'est point mêlée aux habitants successifs du vallon et la religion seule est montée jusqu'à elle. Rentré à l'auberge, je me suis jeté sur 2 chaises dans l'espoir de dormir, mais en vain. Le mouvement de mon imagination était plus fort que ma lassitude. Je rabâchais sans cesse mon estafette. Le dîner n'a rien fait à l'affaire. Je me suis couché au milieu de la rumeur des troupeaux qui rentraient des champs. À 10 heures, un autre bruit. Le watchman a chanté l'heure, 50 chiens ont aboyé, après quoi ils sont allés aux chenilles, comme si le watchman leur eût donné l'ordre de se taire. J'ai reconnu la discipline allemande. La civilisation a marché en Germanie depuis mon voyage à Berlin. Les lits sont maintenant presque assez longs pour un homme de taille ordinaire, mais le drap de dessus est toujours cousu à la couverture, et le drap de dessous, trop étroit, finit par se tordre et se recroqueviller de manière à vous être très incommode. Et puisque je suis dans le pays d'Auguste La Fontaine, j'imiterai son génie. Je veux instruire la dernière postérité de ce qui existait de mon temps dans la chambre de mon auberge à Waldmünchen. Sachez donc, arrière-neveu, que cette chambre était une chambre à l'italienne, murs nus, badigeonnés en blanc, sans boiserie ni tapisserie aucune, large plainte ou bandeau coloré au bas, plafond avec un cercle à 3 filets, corniche peinte en rosace bleue avec une guirlande de fleurs de laurier chocolat, et au-dessous de la corniche, sur le mur, des rinceaux à dessins rouges sur un fond vert américain. Çà et là, de petites gravures françaises et anglaises encadrées, 2 fenêtres avec rideaux de coton blanc, entre les fenêtres un miroir. Au milieu de la chambre, une table de 12 couverts au moins, garnie de sa toile cirée à fond élevé, imprimée de roses et de fleurs diverses. 6 chaises, avec leurs coussins, recouverts d'une toile rouge à carreaux écossais. Une commode, 3 couchettes, autour de la chambre. Dans un angle, auprès de la porte, un poêle de faïence vernissé, noir, et dont les faces présentent en relief les armes de Bavière. Il est surmonté d'un récipient en forme de couronne gothique. La porte est munie d'une machine de fer compliquée, capable de clore les huis d'une geôle et de déjouer les rossignols des amants et des voleurs. Je signale aux voyageurs l'excellente chambre où j'écris cet inventaire, qui joute avec celui de l'avare. Je la recommande aux légitimistes futurs qui pourraient être arrêtés par les héritiers du bouquetin roux de Hazelbach. Cette page de mes mémoires fera plaisir à l'école littéraire moderne. Après avoir compté à la lueur de la veilleuse les astragales du plafond, regardé les gravures de la jeune Milanaise, de la belle Helvétienne, de la jeune Française, de la jeune Russe, du feu roi de Bavière, de la feu reine de Bavière, qui ressemble à une dame que je connais et dont il m'est impossible de me rappeler le nom, j'attrapai quelques minutes de sommeil. Délité le 22 à 7 heures, un bain emporta le reste de ma fatigue et je ne fus plus occupé que de ma bourgade comme le capitaine Cook d'un îlot découvert par lui dans l'océan Pacifique. Van Munchen est bâti sur la pente d'une colline. Il ressemble assez à un village délabré de l'État romain. Quelques devants de maisons peints à fresque, une porte voûtée à l'entrée et à la sortie de la principale rue, point de boutiques ostensibles, une fontaine à sec sur la place, pavé épouvantable mêlé de grandes dalles et de petits cailloux, tels qu'on n'en voit plus que dans les environs de Quimper-Corentin. Le peuple, dont l'apparence est rustique, n'a point de costume particulier. Les femmes vont la tête nue ou enveloppées d'un mouchoir à la guise des laitières de Paris. Leurs jupons sont courts, elles marchent jambes et pieds nus, de même que les enfants. Les hommes sont habillés, partis comme les gens du peuple de nos villes, partis comme nos anciens paysans. Dieu soit loué, ils n'ont que des chapeaux, et les infâmes bonnets de coton de nos bourgeois leur sont inconnus. Tous les jours il y a outmos, spectacle à Van Munchen, et j'y assistais à la première place. À 6 heures du matin, un vieux berger, grand et maigre, parcourt le village à différentes stations. Il sonne d'une trompe droite, longue de 6 pieds, qu'on prendrait de loin pour un porte-voix ou une houlette. Il en tire d'abord 3 sons métalliques, assez harmonieux, puis il fait entendre l'air précipité d'une espèce de galop ou de ranse des vaches, imitant des mugissements de bœufs et des rires de pourceaux. La fanfare finit par une note soutenue et montante en fausset. Soudain débouchent de toutes les portes des vaches, des génisses, des veaux, des taureaux. Ils envahissent en beuglant la place du village. Ils montent ou descendent de toutes les rues circonvoisines, et s'étant formés en colonne, ils prennent le chemin accoutumé pour aller paître. Suit en caracolant l'escadron des porcs qui ressemble à des sangliers et qui grognent. Les moutons et les agneaux placés à la queue font en bêlant la 3e partie du concert. Les oies composent la réserve. En un quart d'heure, tout a disparu. Le soir, à 7 heures, on entend de nouveau la trompe. C'est la rentrée des troupeaux. L'ordre de la troupe est changé. Les porcs font l'avant-garde, toujours avec la même musique. Quelques-uns, détachés en éclaireurs, courent au hasard ou s'arrêtent à tous les coins. Les moutons défilent. Les vaches, avec leurs fils, leurs filles et leurs maris, ferment la marche. Les oies dandinent sur les flancs. Tous ces animaux regagnent leur toit. Aucun ne se trompe de porte. Mais il y a des cosaques qui vont à la maraude, des étourdis qui jouent et ne veulent pas rentrer, de jeunes taureaux qui s'obstinent à rester avec une compagne qui n'est pas de leur crèche. Alors viennent les femmes et les enfants avec leurs petites gaules. Ils obligent les traînards à rejoindre le corps et les réfractaires à se soumettre à la règle. Je me réjouissais de ce spectacle, comme jadis Henri IV à Chauny s'amusait du vacher nommé « Tout le monde » qui rassemblait ses troupeaux au son de la trompette. Il y a bien des années qu'étant au château de Fervaques, en Normandie, chez Madame de Custine, j'occupais la chambre de ce Henri IV. Mon lit était énorme. Le Béarnais y avait dormi avec quelques florettes. J'y gagnais le royalisme, car je ne l'avais pas naturellement. Des fossés remplis d'eau environnent le château. La vue de ma fenêtre s'étendait sur des prairies que borde la petite rivière de Fervaques. Dans ces prairies, j'aperçus un matin une élégante truie d'une blancheur extraordinaire. Elle avait l'air d'être la mère du prince Marcassin. Elle était couchée au pied d'un saule, sur l'herbe fraîche, dans la rosée. Un jeune verra cueillit un peu de mousse fine et dentelée avec ses défenses d'ivoire et la vint déposer sur la dormeuse. Il renouvela cette opération tant de fois que la blanche lait finit par être entièrement cachée. On ne voyait plus que des pattes noires sortir du duvet de verdure dans lequel elle était ensevelie. Ceci soit dit à la gloire d'une bête mal famée dont je rougirais d'avoir parlé trop longtemps si Homère ne l'avait chantée. Je m'aperçois en effet que cette partie de mes mémoires n'est rien moins qu'une odyssée. Van Munchen et Ithaque, le berger et le fidèle Eumée avec ses porcs, Je suis le fils de Laerte, revenu après avoir parcouru la terre et les mers. J'aurais peut-être mieux fait de m'enivrer du nectar déventé, de manger la fleur de la plante mollie, de m'alanguir au pays des lotophages, de rester chez Circé, ou d'obéir au chant des sirènes qui me disaient « Approche, viens à nous ». 22 mai 1833. Si j'avais 20 ans, je chercherais quelques aventures dans Vatmunchen comme moyen d'abréger les heures. Mais à mon âge, on n'a plus d'échelle de soie qu'en souvenir et l'on escalade les murs qu'avec les ombres. Jadis, j'étais fort lié avec mon corps. Je lui conseillais de vivre sagement afin de se montrer tout gaillard et tout ravigoté dans une 40aine d'années. Il se moquait des sermons de mon âme, s'obstinait à se divertir et n'aurait pas donné de patard pour être un jour ce qu'on appelle un homme bien conservé. « Au diable, disait-il, que gagnerais-je à lésiner sur mon printemps pour goûter les joies de la vie quand personne ne voudra plus les partager avec moi ?» Et il se donnait du bonheur par-dessus la tête. Je suis donc obligé de le prendre tel qu'il est maintenant. Je le menais promener le 22 au sud-est du village. Nous suivîmes, parmi les Molières, un petit courant d'eau qui mettait en mouvement des usines. On fabrique des toiles à Vatmunchen. Les laits de ces toiles étaient déroulés sur les prés. De jeunes filles, chargées de les mouiller, couraient, pieds nus, sur les zones blanches, précédées de l'eau qui jaillissait de leur arrosoir, comme les jardiniers arroseraient une plate-bande de fleurs. Le long du ruisseau, je pensais à mes amis, je m'attendrissais à leurs souvenirs. Puis je demandais ce qu'ils devaient dire de moi à Paris. Est-il arrivé? A-t-il vu la famille royale? Reviendra-t-il bientôt? Et je délibérais si je n'enverrais pas Hyacinthe chercher du beurre frais et du pain bis pour manger du cresson au bord d'une fontaine sous une cépée d'aune. Ma vie n'était pas plus ambitieuse que cela. Pourquoi la fortune a-t-elle accroché à sa roue la basque de mon pourpoint avec le pan du manteau des rois? Rentré au village, j'ai passé près de l'église. Deux sanctuaires extérieurs accolent le mur. L'un présente Saint-Pierre et Célien avec un tronc pour les prisonniers. J'y ai mis quelques kreutzers en mémoire de la prison de Pellicot et de ma loge à la préfecture de police. L'autre sanctuaire offre la scène du jardin des Oliviers. Scène si touchante et si sublime qu'elle n'est pas même détruite ici par le grotesque des personnages. J'ai hâté mon dîner et couru à la prière du soir que j'entendais tinter. En tournant le coin de l'étroite rue de l'église, une échappée de vue s'est ouverte sur des collines éloignées. Un peu de clarté respirait encore à l'horizon, et cette clarté mourante venait du côté de la France. Un sentiment profond a poigné mon cœur. Quand donc mon pèlerinage finira-t-il? Je traversais les terres germaniques bien misérables lorsque je revenais de l'armée des princes, bien triomphant lorsque, ambassadeur de Louis XVIII, je me rendais à Berlin. Après tant et de si diverses années, je pénétrais à la dérobée au fond de cette même Allemagne pour chercher le roi de France, banni de nouveau. J'entrais à l'église, elle était toute noire, pas même une lampe allumée. À travers la nuit, je ne reconnaissais le sanctuaire dans un enfoncement gothique que par sa plus épaisse obscurité. Les murs, les autels, les piliers me semblaient chargés d'ornements et de tableaux encrépés. La nef était occupée de bancs serrés et parallèles. Une vieille femme disait à haute voix en allemand les patères du chapelet. Les femmes jeunes et vieilles que je ne voyais pas répondaient des Ave Maria. La vieille femme articulait bien, sa voix était nette, son accent grave et pathétique. Elle était à deux bancs de moi. Sa tête s'inclinait lentement dans l'ombre toutes les fois qu'elle prononçait le mot Christo en ajoutant quelques oraisons au pater. Le chapelet fut suivi des litanies de la Vierge. Les ora pro nobis, psalmodiés en allemand par les priantes invisibles, sonnaient à mon oreille comme le mot répété « espérance, espérance, espérance ». Nous sommes sortis pêle-mêle, je suis allé me coucher avec l'espérance. Je ne l'avais pas serrée dans mes bras depuis longtemps. Mais elle ne vieillit point et on l'aime toujours, malgré ses infidélités. Selon Tacite, les Germains croient la nuit plus ancienne que le jour. Nox ducere diem videtur. J'ai pourtant compté de jeunes nuits et des jours sempiternels. Les poètes nous disent aussi que le sommeil est le frère de la mort. Je ne sais, mais très certainement, la vieillesse est sa plus proche parente. 23 mai 1833. Le 23 au matin, le ciel mêla quelques douceurs à mes maux. Baptiste m'apprit que l'homme considérable du lieu, le brasseur de bière, avait 3 filles et possédait mes ouvrages rangés parmi ses cruchons. Quand je sortis, le monsieur et 2 de ses filles me regardaient passer. Que faisait la 3e demoiselle ? Jadis m'était tombée une lettre du Pérou, écrite de la propre main d'une dame, cousine du soleil, laquelle admirait Atala. Mais être connue à Waldmünchen, à la barbe du loup de Haselbach, c'était une chose 1000 fois plus glorieuse. Il était vrai que ceci se passait en Bavière, à 1 lieue de l'Autriche, nargue de ma renommée. Savez-vous ce qui serait arrivé si mon excursion en Bohême n'eût été entreprise que de mon chef ? Mais que serais-je allé faire pour moi seul en Bohême ? Arrêté à la frontière, je serais retourné à Paris. Un homme avait médité un voyage à Pékin. Un de ses amis l'aperçoit sur le pont royal à Paris. Et comment ? Je vous croyais en Chine. Je suis revenu. Ces Chinois m'ont fait des difficultés à Canton. Je les ai plantés là. Comme Baptiste me racontait mes triomphes, le glas d'un enterrement me rappelle à ma fenêtre. Le curé passe précédé de la croix. Des hommes et des femmes affluent, les hommes en manteau, les femmes en robe et en cornette noire. Enlevé à 3 portes de la mienne, le corps est conduit au cimetière. Au bout d'une demi-heure, les cortégeants reviennent, moins le cortégé. 2 jeunes femmes avaient leurs mouchoirs sur les yeux, l'une des 2 poussait des cris, elles pleuraient leur père. L'homme décédé était celui qui reçut le viatique le jour de mon arrivée. Si mes mémoires parviennent jusqu'à Waldmünchen, quand moi-même je ne serai plus, la famille en deuil aujourd'hui y trouvera la date de sa douleur passée. Du fond de son lit, l'agonisant a peut-être oui le bruit de ma voiture. C'est le seul bruit qu'il aura entendu de moi sur la terre. La foule dispersée, j'ai pris le chemin que j'avais vu prendre au convoi dans la direction du levant d'hiver. J'ai trouvé d'abord un vivier d'eau stagnante, à l'orée duquel s'écoulait rapidement un ruisseau, comme la vie au bord de la tombe. Des croix au revers d'une butte m'ont indiqué le cimetière. Je ravis un chemin creux et la brèche d'un mur m'introduisit dans le saint enclos. Des sillons d'argile représentaient les corps au-dessus du sol. Des croix s'élevaient çà et là. Elles marquaient les issues par lesquelles les voyageurs étaient entrés dans le Nouveau Monde, ainsi que les balises indiquent à l'embouchure d'un fleuve les passes ouvertes aux vaisseaux. Un pauvre vieux creusait la tombe d'un enfant. Seul, en sueur et la tête nue, il ne chantait pas, il ne plaisantait pas, à l'instar des clowns d'Hamlet. Plus loin était une autre fosse, près de laquelle on voyait une escabelle, un levier et une corde pour la descente dans l'éternité. Je suis allé droit à cette fosse, qui semblait me dire « voilà une bonne occasion ». Au fond du trou gisait le récent cercueil, recouvert de quelques pelletées de poussière blanche, en attendant le reste. Une pièce de toile blanchissait sur le gazon, les morts avaient soin de leur linceul. Loin de son pays, le chrétien a toujours moyen de s'y transporter subitement. C'est de visiter autour des églises le dernier asile de l'homme. Le cimetière est le champ de famille, et la religion la patrie universelle. Il était midi quand je suis rentré. D'après tous les calculs, l'estafette ne pouvait être revenue avant 3 heures. Néanmoins, chaque piétinement de chevaux me faisait courir à la fenêtre. À mesure que l'heure approchait, je me persuadais que le permis n'arriverait pas. Pour dévorer le temps, je demandais la note de ma dépense. Je me mis à supputer les poulets que j'avais mangés. Plus grand que moi n'a pas dédaigné ce soin. Henri Tudor, 7e du nom, en qui finirent les troubles de la rose blanche et de la rose rouge, comme je vais unir la cocarde blanche à la cocarde tricolore, Henri VII a paraffé 1 à 1 les pages d'un livret de compte que j'ai vu. À une femme pour 3 pommes, 12 sous. Pour avoir découvert 3 lièvres, 6 shillings, 8 sous. À maître Bernard, le poète aveugle, 100 shillings. C'était mieux qu'Homère. À un petit homme, Little Man, à Shaftesbury, 20 shillings. Nous avons aujourd'hui beaucoup de petits hommes, mais ils coûtent plus de 20 shillings. À 3 heures, heure à laquelle l'estafette aurait pu être de retour, j'allais avec Hyacinthe sur la route d'Haselbach. Il faisait du vent, le ciel était semé de nuages qui passaient sur le soleil en jetant leur ombre aux champs et aux sapinières. Nous étions précédés d'un troupeau du village qui élevait dans sa marche la noble poussière de l'armée du grand-duc de Kirossi, combattu si vaillamment par le chevalier de la Manche. Un calvaire pointait au haut d'une des montées du chemin. De là, on découvrait un long ruban de la chaussée. Assis dans une ravine, j'interrogeai Hyacinthe. « Sera, ne vois-tu rien venir ?» Quelques carrioles de village, aperçues de loin, nous faisaient battre le cœur. En approchant, elles se montraient vides, comme tout ce qui porte des songes. Il me fallut retourner au logis et dîner bien triste. Une planche s'offrait après le naufrage. La diligence devait passer à 6 heures. Ne pouvait-elle pas apporter la réponse du gouverneur ? 6 heures sonnent, point de diligence. À 6h15, Baptiste entre dans une chambre. Le courrier ordinaire de Prague vient d'arriver. Il n'y a rien pour monsieur. Le dernier rayon d'espoir s'éteignit. À peine Baptiste était-il sorti de ma chambre que Schwartz paraît, agitant en l'air une grande lettre, à grand cachet, et criant « Voilà le Bermi !» Je saute sur la dépêche, je déchire l'enveloppe. Elle contenait, avec une lettre du gouverneur, le permis et un billet de monsieur de Blacas. Voici la lettre de monsieur le comte de Chautec. Prague, 23 mai 1833. Monsieur le vicomte, je suis bien fâché qu'à votre entrée en Bohême, vous ayez éprouvé des difficultés et des retards dans votre voyage. Mais, vu les ordres très sévères qui existent à nos frontières pour tous les voyageurs qui viennent de France, ordre que vous trouverez vous-même bien naturel dans les circonstances actuelles, je ne puis qu'approuver la conduite du chef de la douane de Haselbach. Malgré la célébrité toute européenne de votre nom, vous voudrez bien excuser cet employé qui n'a pas l'honneur de vous connaître personnellement s'il a eu des doutes sur l'identité de la personne, d'autant plus que votre passeport n'était visé que pour la Lombardie et non pour tous les États autrichiens. Quant à votre projet de voyage pour Vienne, j'en écris aujourd'hui au prince de Metternich et je m'empresserai de vous communiquer sa réponse dès votre arrivée à Prague. J'ai l'honneur de vous envoyer ci-jointe la réponse de M. le duc de Blacas et je vous prie de vouloir bien recevoir les assurances de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être, etc. Le comte de Chautec. Cette réponse était polie et convenable. Le gouvernement ne pouvait pas m'abandonner l'autorité inférieure qui, après tout, avait fait son devoir. J'avais moi-même prévu à Paris les chicanes dont mon vieux passeport pourrait devenir la cause. Quant à Vienne, j'en avais parlé dans un but politique afin de rassurer M. le comte de Chautec et de lui montrer que je ne fuyais pas le prince de Metternich. À 8 heures du soir, le jeudi 23 mai, je montai en voiture. Qui le croirait, ce fut avec une sorte de peine que je quittai Wallmünchen. Je m'étais déjà habitué à mes hôtes. Mes hôtes s'étaient accoutumés à moi. Je connaissais tous les visages aux fenêtres et aux portes. Quand je me promenais, ils m'accueillaient d'un air de bienveillance. Le voisinage accourut pour voir rouler ma calèche, délabrée comme la monarchie de Hugues Capet. Les hommes ôtaient leurs chapeaux, les femmes me faisaient un petit signe de congratulation. Mon aventure était l'objet des conversations du village. Chacun prenait mon parti, les Bavarois et les Autrichiens se détestent. Les premiers étaient fiers de m'avoir laissé passer. J'avais remarqué plusieurs fois sur le seuil de sa chaumière une jeune Waldumenschenienne à figure de vierge de la première manière de Raphaël. Son père, à prestance honnête de paysan, me saluait jusqu'à terre avec son feutre à large bord. Il me donnait en allemand un bonjour que je lui rendais cordialement en français. Placée derrière lui, sa fille rougissait en me regardant par-dessus l'épaule du vieillard. Je retrouvai ma vierge, mais elle était seule. Je lui fis un adieu de la main, elle resta immobile, elle semblait étonnée, je voulais croire en sa pensée à je ne sais quel vague regret. Je la quittai comme une fleur sauvage qu'on a vue dans un fossé au bord d'un chemin et qui a parfumé votre course. Je traversai les troupeaux de mai. Il découvrit sa tête devenue grise au service des moutons. Il avait achevé sa journée. Il rentrait pour sommeiller avec ses brebis, tandis qu'Ulysse allait continuer ses erreurs. Je m'étais dit, avant d'avoir reçu le permis, si je l'obtiens, j'accablerai mon persécuteur. Arrivé à Haselbach, il m'advint, comme à Georges Dandin, que ma maudite bonté me reprit. Je n'ai point de cœur pour le triomphe. En vrai poltron, je me blottis dans l'angle de ma voiture et Schwartz présenta l'ordre du gouverneur. J'aurais trop souffert de la confusion du douanier. Lui, de son côté, ne se montra pas et ne fit pas même fouiller ma vache. Paix lui soit. Qu'il me pardonne les injures que je lui ai dites, mais que par un reste de rancune, je n'effacerai pas de mes mémoires. Au sortir de la Bavière, de ce côté, une noire et vaste forêt de sapins sert de portique à la Bohême. Des vapeurs erraient dans les vallées, le jour défaillait et le ciel à l'ouest était couleur de fleurs de pêcher. Les horizons baissaient presque à toucher la terre. La lumière manque à cette latitude et avec la lumière, la vie. Tout est éteint, hiémal, blêmissant. L'hiver semble charger l'été de lui garder le givre jusqu'à son prochain retour. Un petit morceau de la lune qui entreluisait me fit plaisir. Tout n'était pas perdu puisque je trouvais une figure de connaissance. Elle avait l'air de me dire « Comment te voilà ? Te souviens-t-il que je t'ai vu dans d'autres forêts ? Te souviens-tu des tendresses que tu me disais quand tu étais jeune ? Vraiment, tu ne parlais pas trop mal de moi. D'où vient maintenant ton silence ? Où vas-tu seul et si tard ? Tu ne cesses donc de recommencer ta carrière ? Ô lune, vous avez raison. Mais si je parlais bien de vos charmes, vous savez les services que vous me rendiez. Vous éclairiez mes pas alors que je me promenais avec mon fantôme d'amour. Aujourd'hui, ma tête est argentée à l'instar de votre visage, et vous vous étonnez de me trouver solitaire, et vous me dédaignez. J'ai pourtant passé des nuits entières enveloppées dans vos voiles. Osez-vous nier nos rendez-vous parmi les gazons et le long de la mer ? Que de fois vous avez regardé mes yeux passionnément attachés sur les vôtres ? Astre ingrat et moqueur, vous me demandez où je vais si tard ? Il est dur de me reprocher la continuation de mes voyages. Ah, si je marche autant que vous, je ne rajeunis pas à votre exemple. Vous qui rentrez chaque mois sous le cercle brillant de votre berceau, je ne compte pas des lunes nouvelles. Mon décompte n'a d'autre terme que ma complète disparition. Et quand je m'éteindrai, je ne rallumerai pas mon flambeau comme vous rallumez le vôtre. Je cheminais toute la nuit, je traversais Tenitz, Stankau, Stab. Le 24 au matin, je passai à Pilsen, à la belle caserne, style homérique. La ville est empreinte de cet air de tristesse qui règne dans ce pays. À Pilsen, Fallenstein espéra saisir un spectre. J'étais aussi en quête d'une couronne, mais non pour moi. La campagne est coupée et hachée de hauteur, dite montagne de Bohême. Mamelon dont le bout est marqué par des pins et le galbe dessiné par la verdure des moissons. Les villages sont rares. Quelques forteresses affamées de prisonniers se juchent sur des rocs comme de vieux vautours. De Stitz à Berhaun, les monts à droite deviennent chauves. On passe un village, les chemins sont spacieux, les postes bien montés. Tout annonce une monarchie qui imite l'ancienne France. Jehan l'aveugle, sous Philippe de Valois, les ambassadeurs de Georges, sous Louis XI, par quelle lait forestière passèrent-ils ? À quoi bon les chemins modernes de l'Allemagne ? Ils resteront déserts, car ni l'histoire, ni les arts, ni le climat n'appellent les étrangers sur leurs chaussées solitaires. Pour le commerce, il est inutile que les voies publiques soient aussi larges et aussi coûteuses d'entretien. Le plus riche trafic de la terre, celui de l'Inde et de la Perse, s'opère à dos de mulets, d'ânes et de chevaux, par d'étroits sentiers, à peine tracés à travers les chaînes de montagnes ou les zones de sable. Les grands chemins actuels, dans des pays infréquentés, serviront seulement à la guerre. Vomitoires à l'usage de nouveaux barbares qui, sortant du nord avec l'immense train des armes à feu, viendront inonder des régions favorisées de l'intelligence et du soleil. À Berhaun passe la petite rivière du même nom, assez méchante comme tous les roquets. En 1748, elle atteignit le niveau tracé sur les murs de l'hôtel de la Poste. Après Berhaun, des gorges contournent quelques collines et s'évastent à l'entrée d'un plateau. De ce plateau, le chemin plonge dans une vallée à lignes vagues, dont un hameau occupe le giron. Là prend naissance une longue montée qui mène à Duchnik, station de la Poste et dernier relais. Bientôt, descendant vers un tertre opposé, à la cime duquel s'élève une croix, on découvre Prague, au debord de la Moldau. C'est dans cette ville que les fils aînés de Saint-Louis achèvent une vie d'exil, que l'héritier de leur race commence une vie de proscription, tandis que sa mère languit dans une forteresse sur le sol d'où il est chassé. Français, la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, celle à qui vos pères ouvrirent les portes du temple, vous l'avez envoyée à Prague. vous n'avez pas voulu garder parmi vous ce monument unique de grandeur et de vertu. Oh, mon vieux roi, vous que je me plais parce que vous êtes tombé à appeler mon maître. Oh, jeune enfant, que j'ai le premier proclamé roi, que vais-je vous dire? Comment oserais-je me présenter devant vous, moi qui ne suis point banni, moi libre de retourner en France, libre de rendre mon dernier soupir à l'air qui enflamma ma poitrine lorsque je respirais pour la première fois, moi dont les os peuvent reposer dans la terre natale? Captive de Blaye, je vais voir votre fils. Fin de la section 9.